Then why they no carry a coibu? Tout, les noix d'ail nous cafouillent gros tout loulou. N'y a pas qu'être femme, parce que y'a ni y'a tout. Nous cassons fidèle, pour un c'est nomme la fou. Et nous qui aimons ça, nous cas plonger à dents sans même garder. Lolé, lolé, lola. Il n'y petit tout, y'a qu'à crier chatou. Et vêtine gros tout, y'a qu'à crier hibou. Faut pas au jaloux, parce que ou Kevin fou gros tout loulou. Lolé, lolé, lola. Tout dit tout, c'est tout. Tout quand tout c'est tout, les noix d'ail nous ca crier quand il bou. Tout dit tout c'est tout, tout quand tout c'est tout, les noix d'ail nous ca fouiller quand tout loulou. Mache tout le temps qu'on boucou. Alors chérie, moi du faux, moi mon petit bout. Il ka fait moi fouiller, tout loulou. Il ka fait moi crier, qu'on y bouge. Il ka fait moi marcher tout le temps qu'on boucou. Alors chérie, moi du faux, moi mon petit bout. Il ka fait moi crier, qu'on y bouge. Il ka fait moi fouiller, qu'on tout loulou. Alors chérie, moi du faux pas mentir.